tout ce qui râle. J'allume mes plafards sous le droit chemin. Les chevilles jeans sous le trottoir et pris pour demain. Mais quand le chétan est de pousse au sac, du foie que des flammes. Et cet arbre qu'on lève les armes. Les armes, c'est tout ce qui nous reste. Peu importe où sort, où tu as décidé de nous mettre. On garde toujours un œuf, mais les mecs sous le coussin. On garde couverture et en cas de bavure. Sache, t'auras rien dans ta tombe. Parce que tout est éphémère dans ce monde. Je sais pas d'où je viens, d'où je pars. Une fois voit là-bas où tout le monde veut des barres. Où c'est le bazar, où le chétan frappe. La scrape de frère sous le terrain. Et soulève la ricaneur, mon frère. C'est malsain, comme ma plume qui peine dans le sang. Comme le corps de mon pote noyé dans une mare de sang. Des pupilles brillent, comme ce diamant qui brille. T'as rien vu, c'est encore chétan. Qui brise ses brebis, t'as fait un part, t'as fait que le diable. N'a un chétan, fait que le jour du jugement d'aller pas.